Amen. Ihr seid willkommen in Jesus' Namen. Praise the Lord. Hallelujah. Please, those that have not blessed the ministry for this month, try to do that. Amen. Die, die Gemeinde noch nicht gesegnet haben diesen Monat, bitte versucht das nachzuholen. Ceux qui n'ont pas encore béni le ministère ce mois-ci, essayez de le faire, s'il vous plaît. Praise the Lord. Hallelujah. Allow to always be the number one thing in your heart. Lass zu, dass es die Nummer 1 in deinem Herzen ist. Permet que ce soit le numéro 1 dans ton cœur. Jesus says, where your treasure is, your heart will be there. Denn Jesus sagt, wo dein Herz ist, dort wird auch dein Schatz sein. Parce que Jésus-Christ nous dit que là où ton cœur est, là aussi ton non, là où ton trésor est, là ton cœur est. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Thank you very much, you children of Christ Jesus. Danke sehr, Kinder von Jesus Christus. Je vous remercie, vous les enfants de Jésus-Christ, for being there for Christ. Dass ihr da seid für Christus. Parce que vous êtes là pour le Christ. Amen. Amen. We are not tired of choosing him. Wir haben es nicht satt, ihn zu wählen. Nous sommes jamais fatigués de choisir Jésus-Christ. He left everything and came here. Er hat alles zurückgelassen und ist hingekommen. Et il a tout quitté, il est venu ici sur terre. And paid the price. Und hat den Preis bezahlt. Et il a payé le prix. So, you know, there is nothing we cannot leave for him. Amen. Es gibt nichts, was wir für ihn nicht zurücklassen Donc, können. Donc, nous aussi, il n'y a rien qu'on peut pas quitter pour lui. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Today we continue with our message, which is grace and love. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft Gnade und Gesetz. Aujourd'hui, on va continuer avec notre message, qui est la grâce et la loi. Amen. Amen. All we need is Christ's grace. Alles, was wir brauchen, ist die Gnade von Jesus Christus. Amen. Tout ce qu'on a besoin, c'est la grâce de Jésus Christ. Amen. Amen. The religion, they have their own grace. Religion hat ihre, religious people. Hat ihre eigene Gnade. La religion et les hommes religieux ont leur propre grâce. We are talking about what Christ called his grace. Wir reden über das, was Christus seine Gnade nennt. Mais on parle de la grâce de Jésus-Christ lui-même. That, you know, his grace is all we need. Seine Gnade ist alles, was wir brauchen. Sa grâce est tout ce qu'on a besoin. Remember, I told Paul, my grace is sufficient for you. Erinnert euch, hat Paulus gesagt, meine Gnade genügt euch. Rappelez-vous, il a dit à Paul que sa grâce est suffisante. You do not need anything, any other thing except my grace. Il braucht nichts anderes als meine Gnade. On n'a pas besoin de quelque chose d'autre à part sa grâce. His grace is his love for us. Seine Gnade ist seine Liebe für uns. Sa grâce est son amour envers nous. His grace is his death for us. Seine Gnade ist sein Tod für uns. Sa grâce est sa mort pour nous. His death is grace is his resurrection for us. Seine Gnade ist seine Auferstehung für uns. Sa grâce, sa miséricorde et qui est sa résurrection pour nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. His resurrection is enough for us. Seine Auferstehung ist genug für uns. Sa résurrection est assez pour nous. Praise the Lord. Amen. His love is enough for us. Seine Liebe ist genug für uns. Son amour est assez pour nous. If he say I love you, who else will You know, if others say I don't love you, do you even bother? Mm-hmm. The whole big God said, he's saying, I love you. Dass sie dich nicht lieben, dann ist doch egal, weil der allmächtige Gott dich liebt. Si le Dieu Tout-Puissant te dit qu'il t'aime, est-ce que c'est important si un être humain te dit qu'il t'aime? Praise the Lord. Amen. We do not need law. Wir brauchen kein Gesetz. On n'a pas besoin de la loi. Law does not belong to us. Das Gesetz gehört nicht zu uns. Parce que la loi nous appartient pas. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Timothy 1:9. 1 Timotheus 1:9. Dans 1 Timothée. 1 Timotheus 9. 1 Timothée 9. 1:9. 1 Timothée 9. 1 Timothée 9. Sorry, 1 Timothée 1:9. 1 Timothée 1:9. 1 Timothée 1:9. But we know that the law is good. If a man uses it lawfully. Mm-hmm. Verse 9. Knowing this that the law is not made for a righteous man. The Bible called us the righteous. Die Bibel nennt uns die Gerechten. La Bible nous appelle les justes. We are the righteous. Wir sind die Gerechten. Nous sommes les justes. Are you getting it? The righteous are those that believe Christ Jesus. Die Gerechten sind die an Christus Jesus glauben, vollkommen. Les justes sont ceux qui croient en Jésus-Christ et ça totalement. The righteous are those that depend on Christ Jesus totally. Die Gerechten sind die sich vollkommen auf Jesus Christus verlassen. Les justes sont ceux qui dépendent totalement de Jésus-Christ. Merci. The righteous are those that are one with Christ Jesus completely. Die Gerechten sind die eins mit Christus Jesus vollkommen. Les justes sont ceux qui sont un complètement totalement avec Jésus-Christ. Amen. Amen. So knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. Amen. Amen. This is not talking about Ten Commandments or lying, stealing, or killing. It's talking about ignoring Christ and forsaking Christ. Es geht darum, Jesus Christus zu ignorieren und zu verweigern. Et ici, il ne s'agit pas des commandements, il s'agit plutôt d'ignorer le Christ et rejeter le Christ. It says for the ungodly and for the sinners, for unholy and profane, for murderers of father and mother, of murderers of mothers, for manslaughters. Jesus died for the natural sin. Jesus für die natürliche Sünde gestorben. Jésus-Christ est mort pour les péchés naturels. So it's not about you killing anyone here on earth. Deswegen geht's nicht darum, irgendjemand hier auf Erden zu töten. C'est pour ça, pour nous, il s'agit pas de tuer quelqu'un ici sur Terre. Or you sleeping from one place to another with any man or dass any du rumschläfst mit irgendeiner Frau oder irgendeinem Mann oder irgendeinem etwas. Oder commettre l'adultère. Or lying from one corner to another. Oder lügen, rumlügen. Ou que tu sois un menteur. Amen. It is ignoring Christ, your singular sin. Es geht darum, Christus zu ignorieren und zu verweigern, diese singulare Sünde. Il s'agit d'un seul péché, et ce péché est d'ignorer Jésus-Christ. Again, we are the righteous. Wir sind die Gerechten. Encore une fois, nous sommes les justes. Because we depend on Christ. Denn wir verlassen uns auf Christus. Parce qu'on dépend de Jésus-Christ. We depend on his finished work. Wir verlassen uns auf sein fertiges Werk. On dépend de son œuvre accomplie. Amen. Amen. We believe Christ. Wir glauben Christus. On croit en Jésus-Christ. And it is imputed unto us as righteousness. Und es wird uns als Gerechtigkeit angerechnet. Et c'est ça qui nous rend juste. Just like for Romans 4, verse 3 said concerning Abraham. Comme c'est écrit dans Romains 4 sur Abraham. Romans 4. Praise the Lord. Alléluia. Romans 4, verse 3. Romains 4, verset 3. For what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Praise the Lord. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. With the law you can never be righteous. Mit dem Gesetz kannst du niemals gerecht sein. Avec la loi, tu peux jamais être juste. You go to verse 13 of. Let's go to verse 13 of Romans 4. Romans 4, verse 13. Of this chapter. Chapter 4. Okay, 4. Verset 13. Toujours dans Romains 4. Romains 4, verset 13. He said, for the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Praise the Lord. Hallelujah. It was not through the law. Es war nicht durch das Gesetz. Ce n'était pas à travers la, la loi. But through the righteousness of faith. Aber durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Mais c'était par la justice de la foi. Amen. Amen. We do not need the law. Wir brauchen nicht das Gesetz. On n'a pas besoin de la loi. Amen. Amen. With Christ, we fulfill the law. Mit Christus erfüllen wir das Gesetz. Parce qu'avec le Christ, on accomplit la loi. Just like Matthew 5 said. Genauso wie es Matthäus 5 steht. Comme il est écrit dans Matthieu 5. He said, I came to fulfill the law. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Jésus-Christ nous a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Amen. Amen. And once you not depend on Christ, you fulfill the law. Und wenn du dich auf Christus verlässt, dann erfüllst du das Gesetz. Amen. Amen. Et quand tu dépends maintenant du Christ, ça veut dire que tu accomplis la loi. Amen. Amen. With law you can never come to Christ. Mit dem Gesetz kannst du niemals zu Christus kommen. Tu peux jamais venir vers le Christ avec la loi. Remember the Pharisees. Erinnert euch an die Pharisäer. Rappelez-vous les Pharisiens. They were covered with law. Sie waren bedeckt mit dem Gesetz. Ils étaient remplis de la loi. Amen. Ils couverts de la loi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Romains 3, please. Romains 3. Romains 3. Verset 19 à 26. Verset 19 à 26. He said, now we know that what things soever the Lord said, he said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Praise the Lord. Hallelujah. Can see one of the purposes of the law. Ihr seht einer der Zwecke des Gesetzes. Et ici on peut voir une de, des buts. Un des buts de la loi. Verse 20 says, therefore, 20. By the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Amen. Amen. Verse 21. Verset 21. But now, the righteousness of God without the law is manifested. Being witnessed by the law and the prophets. The righteousness without the law. Gerechtigkeit ohne das Gesetz. Praise the Lord. La justice de Dieu sans la foi. It means righteousness. Sans la loi, pardon. It means your righteousness is not with your doing. Deine Gerechtigkeit liegt nicht in deinem Tun. Donc ta justice n'est pas dans tes œuvres. It's not coming from you. Es kommt nicht aus dir. Ta justice ne vient pas de toi-même. Amen. Amen. Verse 22 is even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Verse 23. For all have sinned and become short of the glory of God, being justified freely by his grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So being justified freely by his grace. Nur durch seine Gnade sind wir gerechtfertigt. Amen. On a été justifié gratuitement par sa grâce. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 25. 25. Verset 25. He said, whom God has set fought to be a propitiation through faith in his blood. Praise the Lord. His blood. Christ's blood. God's blood. Le sang de Dieu. Amen. Amen. Not the God of man, the blood of man, but God's blood. Nicht das Blut von Menschen, sondern Gottes Blut. Pas le sang de l'être humain, mais le sang de Dieu. To declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say at this time, his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believe in Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Stop going after the law, please. Fait auf, nach dem Gesetz zu gehen. Arrêtez de marcher selon la loi. How? Wie? Comment? By seeing yourself. Indem wir uns selbst sehen. Quand tu vois ta propre personne, quand once tu vois ta you chair. See yourself, wenn du dich selbst siehst, you are under law. Bist unter dem Gesetz. Parce que quand tu vois ta propre personne, tu es automatiquement sous la loi. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. The Bible says we should see Christ. Die Bibel sagt, wir sollen Christus sehen. La Bible nous dit qu'on doit voir le Christ. That's why I said we should walk by faith. Walk by faith means see Christ. Durch Glauben wandeln, das heißt durch durch Christus wandeln, Christus sehen. Et la Bible nous dit qu'on doit marcher selon la foi. Et c'est comme ça que on voit pas notre personne, on voit seulement Jésus-Christ. Amen. Et on marche selon en Jésus-Christ. Again, stop going after the law. Hört auf, nach dem Gesetz zu wandeln. Arrêtez de marcher selon la loi. How? Comment? Wie machen wir das? By seeing you. Indem wir uns selbst sehen. Et on doit arrêter de se voir. C'est comme ça qu'on arrête de marcher selon la loi. Anything you is law. Alles, was dich angeht, ist das Gesetz. Tout ce qui te concerne, c'est la loi. Amen. Amen. And that's why all these ten commandments, they are so dangerous. All the things about to God children. It's a big problem. C'est un gros problème. Et c'est la raison pour laquelle les 10 commandements sont vraiment dangereux pour les enfants de Dieu. It's not after you know, you may not lie, you may not steal, but just be you. Du lügst oder schiffst zwar nicht, aber just be you. Satan has won. Und der Satan hat schon gewonnen. Mm. Fort possible que tu mens pas, que tu tues pas, mais si tu es toi-même, là le diable est déjà vainqueur, le diable a déjà gagné. Christ wants you to be him. Christus veut dass du er bist. Parce que le Christ veut que tu sois lui-même. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Two people on earth. Zwei Leute. Christ or Satan. Christus oder der Satan. Il y a deux personnes ici sur le monde, le Christ ou le diable. Grace or law. Gnade oder Gesetz. La grâce de Dieu ou la loi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Stop seeing yourself, please. Hört auf, euch selbst zu sehen. Arrêtez de vous voir vous-même. Stop seeing what you do. Hört auf, das zu schauen, was ihr tut. Arrête de voir tes œuvres. I never see what I do. Ich schaue nicht niemals auf das, was ich tue. Je regarde jamais mes œuvres. If you see what you do, you will never be free. Aber wenn du das siehst, was du tust, wirst du niemals frei sein. Parce que si tu es concentré sur tes œuvres, tu seras jamais libre. Satan will put you in bondage. Der Satan wird dich in eine Gefangenschaft einschließen. Parce que tu seras en captivité. Le diable va te mettre en captivité. Because your effort is never enough. Weil deine Bemühungen reichen niemals. Parce que tes efforts sont jamais assez. The more you try, the more you see yourself fail. Umso mehr du es versuchst, umso mehr siehst du dich versagen. Parce que le plus que tu mets des efforts dans tes actes et tu vas directement croire que t'es en train d'échouer. And that's why it's so good to depend on the finished work of Christ. Und deswegen ist es so gut, sich ganz allein auf das fertige Werk von Christus Jesus zu verlassen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle c'est si bon de se concentrer seulement ou de considérer seulement l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Stop seeing what you do for God. Hör auf, auf das zu schauen, was du für Gott tust. Arrête de voir ce que toi tu fais pour l'Éternel. What you do for people. Oder was du für Menschen tust. Ou ce que tu fais pour les hommes. What you do for yourself. Oder was du für dich selbst tust. Ou ce que tu fais pour toi-même. Your effort. Stop seeing any effort coming from you. Höre auf, deine eigenen Bemühungen zu sehen. Arrête de voir tes propres efforts. Stop seeing your savings. Hör auf, deine Ersparnisse zu sehen. Arrête de voir ton compte épargne. He does not need your savings. Er braucht nicht deine Ersparnisse. Il a pas besoin de tes économies. Christ needs you. Christus braucht dich. Le Christ a seulement besoin de toi. And not your savings. Nicht deine Ersparnisse. Et pas ce que t'as dans ton compte épargne. Amen. Amen. Remember that man that came to Jesus and knelt down. In Mark 10. Der zu Jesus gekommen ist und sich hingekniet hat. Rappelez-vous de l'homme qui est venu vers Jésus-Christ et s'est mis à genoux. Jesus did not ask him for his service. Jesus hat ihn nicht nach seinen Ersparnissen gefragt. Jésus-Christ n'a pas demandé d'avoir ses épargnes. Amen. He said, go and give your service to the poor. Er hat gesagt, gib deine Ersparnisse in den Armen. Il a dit, donne. Before you can even come to me. bevor du zu mir kommen kannst. Il lui a dit, avant de venir vers moi, va donner tes richesses aux pauvres. Praise the Lord. Alleluia. The Lord does not need your savings in the kingdom of heaven. Der Herr braucht nicht deine Spaß. We are talking about the kingdom of heaven here, please. Wir reden hier über das Königreich des Himmels, bitte. On parle du royaume des cieux et l'Éternel n'a pas besoin de tes épargnes naturelles dans le royaume des cieux. In the natural world, yes, people need it. You will need it. But once it comes to the kingdom of heaven, amen. All you need is Christ Jesus. In der natürlichen Welt, go to Matthew 6. Ersparnisse wichtig, wenn sie brauchbar, aber wir reden über das Königreich des Himmels. Hier geht es darum, dass du verfügbar bist in Christus. On parle pas des économies naturelles. Lui, c'est important ici sur Terre, où tu peux aider ton prochain ou quoi que ce soit. Mais ici, on parle du royaume des cieux. Et là, tu as seulement besoin de Jésus-Christ lui-même. Matthieu 6, verset 25. Il dit, « Therefore, I say unto you, take no thought for your life. » C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il nous dit ça parce que notre vie est sa propre vie maintenant. Cette vie l'appartient. And he's the one that can take care of that life, and not you. Und er ist derjenige, der auf dieses Leben aufpassen kann, nicht du. Et c'est lui qui est en charge de cette vie et pas toi. Praise the Lord. Alléluia. He said, what you shall eat or what you shall drink, not yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air. 26. Verse 26. 26. For they sow not. Praise the Lord. Alléluia. Neither do they reap, nor gather unto barns. They don't have savings. Sie haben keine Ersparnisse. Ils ont pas d'économie. Ils ont rien amassé. Praise the Lord. Oh, yeah. They don't have savings. Sie haben keine Ersparnisse. Praise. Are we going to believe him or not? Est-ce qu'on va réellement le croire ou pas? Amen. Amen. Neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Now talk about you. Are you no much better than they? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We always think that the birds are even better than us. Wir denken immer, dass die Vögel sogar mehr wert sind, besser sind als wir. On croit toujours que même les oiseaux sont ont plus de valeur que nous. You know, the birds, they never work. Die Vögel, die arbeiten nicht. Salary. Sie kriegen auch kein Gehalt. Les oiseaux ne travaillent pas. Ils ont pas de salaire non plus. They don't have any savings. Sie haben keine Ersparnisse. Ils ont pas d'économie. Praise the Lord. Alléluia. Well, people live for their, you know, what they call inheritance today. They live for their children. Was Leute für ihre Kindeskinder zurücklassen, ein Erbe. Ils n'ont pas d'héritage. Ils n'ont pas des parents qui vont leur hériter ou laisser quelque chose quand ils vont mourir, non. The kingdom of heaven, our inheritance is Christ. Im Königreich des Himmels ist unser Erbe Christus Jesus. Amen. Et dans le royaume des cieux, notre héritage est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. And he said, but they are being fed. By who? Aber sie werden gefüttert. Von wem? Mais ils sont nourris. Mais par qui? Amen. They have been fed by your Father. Okay, sie werden gefüttert durch unseren Vater. Et c'est notre Père qui est en train de les nourrir. He values you more than the birds. Er schätzt dich mehr als die Vögel. Mais on doit être conscient qu'il nous valorise plus que les oiseaux. If he can feed the birds, how much more you? Wenn er die Vögel füttern kann, wie viel mehr dich? S'il est capable de nourrir les oiseaux, à plus forte raison, il est capable de nous nourrir. You know, here is like Romans 5. Hier ist es wie Römer 5. Ici, c'est comme dans Romains 5. Amen. Amen. Let's go to Romans 5. Romains 5. Romains Praise the Lord. Alléluia. Romans 5. Romains 5. Verse 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Amen. Without strength. When we were yet without strength. Quand on était sans force. Verset 7. He said, for scarcely for a righteous man we wonder, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. We are not talking about man dying for man. We are talking for God dying for man. Wir reden hier nicht von Menschen, für Menschen sterben, sondern Gott, der für einen Menschen stirbt, wenn es um Jesus Christus geht. Ici, on parle pas de, d'un homme qui meurt, mais plutôt d'un Dieu qui meurt. Amen. You know, the Muslim, for example, they cannot understand why God will, his son will die for somebody that, you know, committed something to save that person. No, it's not, they are talking about man, but it's more than man. Is God dying for somebody? Die Muslimen verstehen nicht, wie jemand für einen anderen sterben kann. Aber hier geht es nicht um einen Menschen, der für einen anderen Menschen stirbt, obwohl er bösartig war, sondern es geht um Gott, der sich für die Menschen gegeben hat, trotz ihrer Bösartigkeit. Mm. Les musulmans, par exemple, ils comprennent pas comment un homme a pu laisser sa vie pour un homme malsain, pour un autre homme malsain, mais ils ne comprennent pas qu'il s'agit de Dieu lui-même qui a donné sa vie pour l'humanité qui était malsaine. You know, they cannot believe that man, that God, a son of God would die for man. Sie können nicht verstehen, dass ein Sohn Gottes für Menschen stirbt. How can they believe God died for man? Wie können Sie denn glauben, dass Gott für einen Menschen gestorben ist? Ils n'arrivent pas à croire que le Fils de Dieu est mort pour l'être humain. Donc pour eux, c'est impossible à comprendre que Dieu lui-même est mort pour l'être humain. Verse 8, it says, but God commended his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mm. Amen. Amen. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He does not need our service. Er braucht unsere Ersparnisse. Il n'a pas besoin de nos économies. He only needs us. Er braucht einfach nur uns. Il a seulement besoin de nous. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Just like he did not need the service of the birds. Genauso wie er die Ersparnisse der Vögel nicht braucht. Tout comme il n'a pas besoin des amassements des oiseaux. For him, he only needed the birds. And not their service. Er braucht einfach nur diese Vögel und nicht ihre Ersparnisse. Il a seulement besoin des oiseaux et pas ceux qu'ils ont amassés. Amen. Amen. Stop living under the law. Hört auf, nach dem Gesetz zu leben. Arrêtez de vivre sous la loi. Anything you is law. Alles, was mit dir zu tun hat, ist Gesetz. Tout ce qui te concerne est la loi. You know, your heart earns money according to the system of this world. Dein Herz verdient das Geld beispielsweise. L'argent que tu as gagné. If you are the type that think like that, you are under law. Wenn jemand bist, der so denkt, dann bist du unter dem Gesetz. Et si tu penses toujours à ton argent pour lequel tu as transpiré, là tu es sous la loi. Your savings for years upon years. Deine Ersparnisse über Jahre. Tes économies que tu as amassées pendant des années. If you are the type that think that way, you are under the law. And under the law means death. Dann bist du unter dem Gesetz. Unter dem Gesetz heißt Tod. Si tu es une personne qui pense seulement à ce qu'elle a mis de côté pendant des années, là tu es sous la loi. Et si tu es sous la loi, ça veut dire que tu es mort. Amen. Mm. You know, that is the way the natural man sees their salary. So sieht der natürliche Mensch sein Gehalt. Money. Sein schwer verdientes Gehalt. Et c'est comme ça que l'homme naturel voit son salaire qui, pour lequel il a transpiré, pour lequel il a sué. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il a travaillé dur. And service. They serve a lot. They serve a lot. They save, they manage and manage. It's all about them. Sie versuchen zu sparen an jeder Ecke und irgendwie zu verwalten an jeder Ecke, aber es geht nur um sie. Ils essayent d'économiser dans chaque coin possible. Il s'agit toujours d'eux-mêmes. Romains 8. Verse 6. Verse 6. For to be carnally minded is dead. It's talking about law. Es geht um das Gesetz. So under law you are just playing with death. Mit dem Gesetz, da spielst du mit dem Tod. Si t'es sous la loi, sois conscient que tu joues avec la mort. Romains 6, verset 4. Non, Romains 4, verset 6, pardon. 8. 8, pardon. Romains 8, 6, pardon. But to be spiritually minded, to be Christ minded. Aber Christus gesinnt zu sein. Et si tes pensées sont célestes. It's life and peace. Leben und Frieden. Ça veut dire que t'es dans la vie, tu as la vie et tu as la paix. We are born into the kingdom of the spirit. Wir sind geboren in das Königreich des Geistes. Parce qu'on a été né dans le royaume de l'esprit. And that is why Galatians said, if we live by the spirit, we should walk by the spirit. Deswegen steht auch in Galatians. Galatians 5:25. Wenn wir im Geist leben, sollen wir auch nach dem Geist. Wenn wir im Geist wandeln, sollen wir. Wenn wir im Geist we leben, live in the spirit, sollen wir auch im Geist wandeln. Amen. C'est pour ça que Galates nous dit que si on vit selon l'esprit, on a aussi marché selon l'esprit. Let's go there. Galatians 5:25. I love this place. Galates 5:25. He said, if we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. We are spirit. Wir sind eine geistliche Familie. Nous sommes une famille spirituelle. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Allow your wants everything to now be Christ. Lass zu, dass dein Ein und Alles Christus Jesus ist. Your wants everything, all things. Your wants service. Your wants are hard working. To now be Christ. Dein Ersparnis, dein hartes Arbeiten, dass das Christus ist. Permet que ton tout soit Jésus-Christ lui-même. Donc tes économies, ta vie, tout doit être Jésus-Christ lui-même. Don't see yourself walking in. See Christ. Allow you to be Christ doing the job. Sehe dich nicht selbst als Arbeiter, sondern erkenne, dass Christus das Werk vollbracht hat schon. Permet que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ soit suffisante pour toi. Permet que c'est pas toi qui travaille, mais crois que c'est lui qui a déjà tout fait à travers toi, ou qui fait tout à travers toi. Amen. Amen. Your heart and service. Dein Herz verdientes Geld. Or service. Your heart and money. Donc tout ce que tu as mis. Let it be Christ. Lass zu, dass Christus ist. Donc tout ce que tu as mis de côté à travers ton travail dur, permet que ce soit Jésus-Christ et pas ton travail. Give what is Christ to Christ. Amen. Das was Christus gehört. I don't know if somebody is getting it. Donc remets ce qui est à Dieu à Dieu. Remets ce qui est au Christ au Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Jesus said, "Give what is Caesar to Caesar." Jesus hat zu gesagt, dass wir sollen dem das was dem Caesar gebührt dem Caesar übergeben. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit que donnez ce qui est à César. What is Christ to Christ? Was Christus gebührt Christus. Mais ce qui est au Christ, remettez ça aussi au Christ. Praise the Lord. Alléluia. We only have Christ. Amen. Et nous, on a seulement le Christ. Amen. Amen. If you go to Mark 12, go to Mark 12. Marc 12. From verse 14. Verse 14. Verset 14. He said, and when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man, For thou regarded not the person of men, but teachest the world the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Praise the Lord. Yeah. Amen. Yeah. Is it lawful? Is it good to be there for Christ? Es ist gut für Christus da zu sein. Is it good to choose Christ? Es ist gut Christus zu wählen. Est-ce que c'est bien d'être là pour le Christ? Est-ce que c'est bien de choisir le Christ? Amen. Amen. Verse 15. Shall we give or shall we not give? But in him knowing their hypocrisy, said unto them, what tempt you me? Bring me a penny, that I may see it. Verse 16. And they brought it, and he said unto them, whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's. Praise the Lord. Alleluia. I can ask you the question. Und euch kann ich diese Frage auch stellen. Aussi, je peux vous poser la question. Amen. Amen. Where is your master? Wer ist dein Meister? Qui est ton maître? Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. What is your saving all about? Worum geht's in deinem Sparen? De quoi il s'agit quand tu mets de l'argent de côté? You are going to work. What is it all about? Wenn zur Arbeit gehen, worum geht's da? Quand tu vas au travail, quelle est la raison pour toi d'aller travailler? Is it Christ? Ist es Christus? Il s'agit du Christ. If it is Christ, give what is Christ to Christ. Wenn es Christus ist, dann gib das Amen. Christus, was Christus gebührt. Et s'il s'agit du Christ, donne ce qui est au Christ au Christ. And Jesus answered and said unto them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We don't have anything Satan. Wir haben nichts von Satan. On a rien qui appartient au diable. Everything we have is Christ. And that's why he's our life. Amen. Deswegen ist unser Leben. Tout ce qu'on a est du Christ. C'est pour ça que le Christ est notre vie. Yes. If he is the no, life is the greatest. Das Leben ist das Größte. La vie est la plus grande chose ici. It's greater terre. Than everything. Ist größer als alles andere. Et plus grand que tout. Amen. It's even greater than money. Ist sogar größer als Geld. Et plus précieuse que l'argent, la vie. Though in the world, money is greater than everything. Obwohl in der Welt das Geld größer ist als alles andere. Malgré que dans le monde, l'argent est la chose la plus importante. It's somebody that is alive that can use money. Jemand, der that alone will help you to know that life is greater than money. Kann Amen. Geld benutzen und das zeigt uns das Geld, dass das Leben größer ist als das Geld. Mm-hmm. Mais seulement une personne vivante est capable à gagner de l'argent ou à utiliser l'argent. Donc ça, ce fait va te montrer que la vie est plus importante et plus grande que l'argent. Praise the Lord. Alléluia. He gave us his life. Er gab uns sein Leben. Il nous a donné sa propre vie. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. So many of us have been under law unknowingly. Viele von uns waren im Gesetz unwissend. Beaucoup d'entre nous ont été sous la loi inconsciemment. Amen. That you do not know or you don't know does not mean to not harm you. Und dass du das nicht weißt, heißt nicht, dass dich das nicht angreifen wird, verletzen wird. Mais juste parce que tu es inconscient, ça ne veut pas dire que ça veut ça te mène pas au mal ou ça peut pas t'attaquer. Amen. That you do not know does not mean to not still kill and destroy you. Nur weil du es nicht weißt, heißt nicht, dass es dich von dir töten, stehen und zerstören wird. Juste parce que tu n'es pas conscient, ça veut pas dire que ça peut pas te tuer ou voler de toi ou te détruire. The Bible said my people perish for lack of not knowing. Die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde an Mangel von Erkenntnis. La Bible nous dit mon peuple périt à cause de manque de la connaissance. For lack of not knowing they are under the law. Weil sie eben nicht wissen, dass sie unter dem Gesetz sind. Parce qu'ils sont pas conscients qu'ils sont sous la loi. Praise the Lord. Alleluia. You cannot change Christ. Du kannst Christus nicht verändern. Tu peux pas changer le Christ. You cannot change the truth. Du kannst die Wahrheit nicht verändern. Tu peux pas changer la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Christ does not need your money. Christus braucht dein Geld nicht. But you. Aber dich. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin de toi. Amen. Amen. Mark 10. Let's go to this place, please. Marcus 10. Marc 10. Verse 21. 21. Verset 21. Amen. Amen. You know, Jesus once used the law to speak to this man. Jesus hat einst das Gesetz genutzt, um zu den Menschen zu sprechen. Er hat das Gesetz verwendet. And later grace. Und danach die Gnade. Jésus-Christ a utilisé d'abord la loi pour parler à cet homme et après sa grâce. Amen. Amen. Then Jesus beholding him, loved him, verse 21. 21. And said unto him, one thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, so that you will have wealth in heaven. It did not say, come with your savings, mm-hmm. come with your money. Mm-hmm. You don't need, you don't need you. Because once he can get you, he can get all other things. Wenn dich bekommen kann, kann alles andere bekommen. Jésus-Christ n'a pas besoin de tes biens, il a seulement besoin de toi. Mais si, et quand il t'a, tout autre chose est aussi accessible pour lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You can see that he did not tell this man to come with his money. Ihr seht, er hat dem Mann nicht gesagt, dass er mit seinem Geld kommen soll. On peut voir qu'il n'a pas dit à cet homme de venir avec son argent. He actually said, I need you and not your money. Er hat gesagt, ich brauche dich und nicht dein Geld. En réalité, il a dit qu'il a besoin de l'homme lui-même et pas de ses biens. Praise the Lord. Alléluia. Just like 2 Corinthians also said. You know, here Jesus used grace. Hier hat Jesus he saw that grace here. Die Gnade benutzt. On peut voir que Jésus-Christ a ici utilisé sa grâce. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Well, gonna bring your money. Give me your money. It's actually law. Gib mir dein Geld. Ist eigentlich Gesetz. Quand on te dit ramène-moi ton argent, ça c'est la loi. Amen. Amen. You come without your money is grace. Come ohne dein Geld ist Gnade. I don't know if you are getting it. If you understand something. Ouais. Mais quand il te dit viens sans ton argent, ça veut dire que ça c'est la grâce. Amen. If you are going to pay for something, it's no longer grace. Wenn du für etwas bezahlst, ist es nicht mehr Gnade. Quand tu dois payer pour quelque chose, ce n'est plus la grâce. Are you getting it? Christ is our inheritance. Christ we did not pay for no money can buy Christ. Jesus no Christ money can buy his blood. Can get it? Jésus Christ est notre héritage et aucune somme de ce monde peut acheter son sang, peut acheter sa grâce. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. 2 Corinthians, please. 2 Corinthiens. You can see, he told this man, I need you and not even your money. Hat diesem Mann gesagt, ich brauche dich und nicht dein Geld. We were here. Il a dit à cet homme, il a besoin de l'homme et pas de son argent. We were here on Sunday, 2 Corinthians 8, or last Wednesday, 2 Corinthians 8. The same thing that is in here we just read, Mark 10, 21. Look at it also here in 2 Corinthians 8, verse 5. In 2 Corinthians 8, verse 5, lesen wir das Gleiche. Dans 2 Corinthiens 8, verset 5, on va lire la même chose. Praise the Lord. Mm-hmm. Il s'agit de la même chose plutôt. Let's read from 1 to 5. 1 plus 5. On va lire de 1 à 5, sorry. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Just like this church here. So this Gemeinde here. Praise the Lord. Hallelujah. The grace of God bestowed on the churches of Macedonians. Just like this ministry. It's not die Gnade Gottes, die den dieser Gemeinde Mazedonien übergeben worden ist, genauso wie in dieser Gemeinde. Mm-hmm. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédonie, tout ça comparable à notre église ici. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2. Verset 2. How that in a great trial of affliction and abundance of their joy and their deep poverty. They had nothing. It was minus. They had to borrow. They borrow and borrow and borrow. Dinge leihen. Deep poverty. In einer tiefen Armut haben sie sich befunden. Ils avaient rien. Ils étaient tellement pauvres qu'ils devaient s'emprunter de l'argent. Ils étaient vraiment pauvres. Abounded unto the church, unto the riches of their liberality. Verse 3. Verset 3. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Praying us with much, you know, that's how I see this ministry. How your children even say yes. We have to, we must do it. We must be there for Christ. And then sometimes I'm saying no. I'm saying, why don't we? No, you say no. Just exactly. Verse 4 here. Mm-hmm. Praying us with much entreaty that we will receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. To be there for Christ Jesus. Um da zu sein für Christus Jesus. Être là pour Jésus-Christ. C'est comme vous ici. De temps en temps, je me dis, comment est-ce possible que vous donnez vraiment tout, que vous êtes toujours prêt et à donner tout ce que vous avez, à même emprunter pour l'éternel. Praise the Lord. Verse 5. Verset 5. He said, this they did, not as we hoped. Amen. Mm-hmm. They first gave their own selves to the Lord. That's where I'm going to. They first gave themselves. It's not the money first. Mm-hmm. But themselves, just like Jesus told that man. He said, you go and give everything to the poor and come and follow me. You give yourself first. Sie haben erst sich selbst gegeben und dann alles andere. Genauso wie Jesus diesem Mann gereichen Jüngern gesagt hat, geh und verkauf alles und komm zu mir. Das ist Gnade. On peut voir ici que, tout, comme Jésus-Christ avait dit à l'homme riche de se donner lui-même avant de, et pas de donner sa richesse, de venir lui-même, on peut voir que les Macédoniens ici se sont d'abord eux-mêmes donnés au Christ et après ils ont donné ce qu'ils avaient. Praise the Lord. Amen. And this they did verse 5 again. Not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How they were there for Christ Jesus and for one another. Sie da waren für Christus Jesus füreinander. Et c'est comme ça qu'ils étaient là pour Jésus-Christ et pour l'un et l'autre. Amen. Amen. Just like Mark 10, verse 21. So in Markus 10, 21. Comme dans Marc 10, verset 21. Amen. Amen. You know, giving your money without giving yourself, you are under the law. Wenn wir unser Geld geben, ohne uns selbst erstmal zu geben, sind wir unter dem Gesetz. Parce que si on donne notre argent sans nous donner nous-mêmes, nous sommes sous la loi. Jesus told him, you come and not your money come. Komm du her, nicht dein Geld. Mm. C'est comme Jésus-Christ a dit à l'homme riche de venir et pas de venir avec son argent. I provide you what you give. Ich versorge mit dem, was du gibst. Parce que moi, je vais prendre soin de toi avec ce que tu me donnes. If they are not me, you cannot give it. Weil wenn es nicht ich selbst ist, dann kannst du das gar nicht geben. Mais si... Si les choses ne sont pas moi... Mais si ces choses ne sont pas ma personne, ne sont pas moi-même, je peux pas te le donner. Amen. If you come, your money will come. If your money comes, you will not come. Wenn du kommst, dann kommt auch dein Geld daher. Wenn dein Geld kommt, dann bleibst du zurück. Mm. Si tu viens, ton argent va suivre. Mais si tu donnes seulement ton argent, toi-même, tu vas pas suivre. Let us quickly go through how to pray. Wir reden kurz darüber, wie wir beten. On va voir comment on doit prier. Amen. Amen. How to pray. Vous pouvez comment prier. Amen. Amen. So pray under grace and not under law. Unter der Gnade zu beten, nicht unter dem Gesetz. Prier sous la loi et pas non prier sous la grâce et pas sous la loi. Amen. Amen. Under grace we do not pray to be blessed. Unter der Gnade beten wir nicht gesegnet zu sein. Sous la grâce on n'a pas besoin de prier pour être béni. It is under law you pray to be blessed. Unter dem Gesetz betest du gesegnet zu sein. C'est sous la loi que tu pries pour être béni. Are you getting something? Mm. When God created Adam, before he created Adam, he created everything before he created him. Mm. Als Gott Adam erschaffen hat, er erstmal alles andere erschaffen, bevor er Adam erschaffen hat. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, il a d'abord tout créé, après il a créé l'homme. If he tell you that go and do something, it means he have empowered you to do it. Wenn er dir sagt, etwas zu tun, das heißt, er hat dich schon dazu befähigt, das zu tun. Si l'Éternel t'envoie à faire quelque chose, ça veut dire que tu es déjà équipé pour cette chose. Again, under grace, we do not pray to be blessed. Unter der Gnade beten wir nicht dafür, gesegnet zu sein. Parce que sous la loi, non, sous la grâce, on prie pas pour être béni. We thank him for his blessing. Amen. Wir danken ihm für seinen Segen. On le remercie pour sa bénédiction. Praise the Lord. Alléluia. In Philippians 4. Go to Philippians 4. Dans Philippiens 4. Amen. Amen. Philippians 4. Philippiens 4. Philippiens 4. Verse 6. He said, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. He said, we do everything in thanksgiving. Thank you for your blessing. Danke für deinen Segen. On fait tout en à travers une action de grâce, on le remercie pour tout. Amen. Again, under grace. Unter der Gnade. We do not pray to be blessed. Beten wir nicht gesegnet zu sein. Encore une fois, sous la grâce de Jésus-Christ, on ne prie pas pour être béni. Ephesians 1. Verse 3. Blessed be God and our Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Si tu es déjà dans le royaume des cieux, ça veut dire que tu es déjà béni parce qu'il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. Amen. Amen. He blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. Amen. He said we are already blessed. Er sagt, wir sind schon gesegnet. Il nous dit que nous sommes déjà bénis. That's the fight we still fight. We still need to fight today. Das ist der Kampf, den wir immer noch austragen müssen. Et c'est ça le combat qu'on doit toujours combattre aujourd'hui. The fight to believe you're already blessed when you don't have, when you cannot even buy Coca-Cola. Der Kampf zu glauben, dass du schon gesegnet bist. That's a big battle. Ouais. Le combat de croire que tu es déjà béni malgré que tu es pauvre, malgré que tu ne peux pas t'acheter une boisson, par exemple. Praise the Lord. 1 Timothée 6. Amen. Amen. It's a good fight. C'est un bon combat. C'est un bon combat. Amen. And not an evil fight. Et pas un mauvais combat. Pas un combat malsain. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 12. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. That's the fight today. Das ist der Kampf heute. Combat le bon combat de la foi. C'est ça le combat qu'on a aujourd'hui. Amen. Mm-hmm. It's not fighting Satan. It's fight the good fight of faith to believe Christ. Nicht den Satan bekämpfen, sondern den guten Kampf des Glaubens kämpfen, ihn zu glauben. Il s'agit pas de combattre le diable, mais plutôt de croire en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et combattre le bon combat de la foi. Praise.